Putain, encore une journée où j'ai trop fumé. Encore une journée où je vais trop picoler. Encore une soirée où je finirai arraché. Obligé de se défoncer pour oublier les soucis de la vie. Car la vie, elle devient grave. Là, je te parle en direct de ma cave. Les cours, le taf. Ça me gave, ça me gave. Pas de meuf, pas de thune. Pas grave, pas grave. Le monde tourne à l'envers, les vieux disent des jeunes qui sont alcooliques. Moi je leur dirais bien qu'il n'y a pas de mal à se prendre des cuits. Car moi j'ai trouvé que ce moyen comme solution de fuite. Mon gros, passe-moi le bédo. Ma couille, ma couille, passe-moi la douille. Mon frère, vas-y passe-moi mon verre. Et direction le ciel pour que je m'envole de ce terre-terre. Certains au lieu de taffer, ils cravent et finissent par se faire tuer. Les temps sont durs et la jeunesse galère. Sans permis, ça conduit des voitures. Du mal à garder les pieds sur terre. Poudre, bœuf et alcool, tels sont les fruits de Satan. Quand ton cerveau décolle, c'est ton corps qui attend. Toujours pareil, on fume, on picole pour oublier. Mais parfois ça va trop loin et on oublie ce que la veille on a fait. Ouais, ouais, c'est vrai, ma jeunesse est fondée. Elle vit la nuit, dort le jour, sans aller, sans retour. C'est un pour tous et tous sur un. Ça se défend avec des guns, des cocktails et des surins. Mon beau, passe-moi le bédo. Ma couille, passe-moi la douille. Mon frère, vas-y, passe-moi mon verre. Et direction le ciel pour que je m'envole de ce terre-terre. Mon beau, passe-moi le bédo. Ma couille. Passe-moi la douille, mon frère, vas-y, passe-moi mon verre. Et direction le ciel pour que je m'envole de ce terre-terre. Trafic de stup, 22, là les keufs. Ce soir, c'est barbecue, façon cocktail molotov. Alcoolisé, un regard de travers et pom. Ça, c'est le son du revolver de nos jours. Même pour des petites histoires, ça part au quart de tour. Ouais, dire, ça agit avant de réfléchir. Car si tu tires, c'est pas comme les jeux vidéo. La vie ici, tu n'en as qu'une, alors réfléchis gros. Sinon, toi-même, tu sais, c'est direction le stupo. Bref, qu'elle soit alcoolisée, arrachée ou foncée. Ma jeunesse est tarée, ma jeunesse est tarée. Mon gros, passe-moi le bédo. Ma couille, passe-moi la douille. Mon frère, vas-y, passe-moi mon verre. Et direction le ciel pour que je m'envole de ce terre.